Ah, l'Erik, ah. Ah, l'Erik, c'est bien pire que l'Erika. Moins sympa que la vague verte. Voici venir la vague verte. Ah, les bobos, ah, les bobards. Les vers qui jurent, mais un peu tard. La France souffre comme l'Amérique. Il a pourri son âme, Erik. Les turpitudes de Liliane font pire que BP en Louisiane. Ah, les bobos, ah, les bobards. Les vers. Qui jure, mais un peu tard. Nous sommes mazettes engluées dans le mazout jusqu'au nez. Malgré cette noire marée, le ministre, il reste amarré. Allez, bobo, allez, bobard, les vers qui jurent, mais un peu tard. Il continue de se marrer, tout comme les riches évadés. Pour parer à cette situation, il n'y aura pas de juge d'instruction, pas non plus de contrôle fiscal. Écrivez ça dans le journal. Allez, bobo, allez, bobard, vous en lirez plein dans le canard.